La voix féminine. Je croyais que c'était le bonhomme, c'est insensé. Pardon. Alors, toutes ces disputes fatiguent horriblement son mari, qui, comme tout musicien, a besoin d'un peu de silence pour faire du bruit avec sa musique. Justement, et besoin avais-tu de dire l'autre jour à Zimmermann qu'il était une planche pourrie? Parce qu'il l'est, il est même si pourri qu'il n'y a plus de planche. Ouais, en plus rien n'a jamais été comme avant depuis que tu as fait cette brouille avec Sabine et Eugène. J'ai pas fait d'embrouille, j'ai dit qu'elle était une putain. Rassurez-moi, il va finir par la quitter. Oui, mais il revient avant même qu'elle ne s'en aperçoive qu'il l'a quittée. Marion est une peau de vache redoutable, car très intelligente. Elle va changer de stratégie, dérouter son monde pour reconquérir son mari. Mais Marion ne devient pas bonne. Elle n'est plus méchante, tout simplement. La question se pose alors, que reste-t-il des peaux de vache quand la vacherie a disparu? Il reste la peau sur les os et on en vient à regretter le bon vieux temps des vacheries. Quant à la bonté, Barillet et Grédy, les auteurs de peaux de vache, ils considèrent que ce n'est ni plus ni moins qu'une paresse de l'esprit. Et vous, Karine Lemarchand, dans le genre peau de vache, vous seriez plutôt, comme dirait Brassens, la jolie fleur qui la cache? Moi, je suis attachiante. Ah, ouais. Intéressant. Vous n'êtes pas une peau de vache. Ah non, pas du tout. Mais je suis un peu chiante. Mais les garçons aiment bien, attendez. Sinon, ils s'ennuient. Oui, on le voit dans la pièce aussi. Vous allez aller la voir, votre camarade Chantal. Avec grand plaisir, j'adore cette femme. Qu'est-ce qu'elle est sympathique. Et vous irez peut-être avec Christine Haas, qui fait les signes astrologiques de vos invités. Alors oui, Christine est une amie. Et comme on a quand même des gens très mutiques qui ont du mal à parler d'eux, je faisais faire leur thème à l'avance. Ouais. Et quand ils ne voulaient pas me dire certains traits de leur caractère, je leur disais, ils étaient un peu. Ils me regardaient un peu comme une folle quand même. Hein. Je disais, bon, par exemple, François Fillon, vous avez déjà fait votre thème astral, mais pas du tout. Je dis, bah, je vais vous dire qui vous êtes. Et donc, du coup, il répondait. Et elle avait vu juste à Christine. Donc, souvent, je me suis beaucoup servie de ce qu'elle disait. Mais je ne le disais pas. J'avais un peu honte. Bah oui, vous avez travaillé le cas Fillon avec son thème astrologique. Ouais. On se retrouve dans un instant, Karine Lemarchand, pour se dire au revoir avec toute l'équipe. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Être malade, ça tombe toujours mal. Surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis-donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Aujourd'hui, demain, ils nous font un kilo de banane à 79 centimes. 79 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Oh, tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? À deux balles? Ah non, à moins d'un euro le kilo, patron. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? On est mal. Oui, pardon, on est très mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou Antilles françaises selon magasin, vendu en vrac. Label rouge. Il faut que je vous dise, je suis label rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes label rouge. Être label rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez label rougien. Avec le concours de l'Union Européenne. Le nouveau roman de Françoise Bourdin vient de paraître. Face à la mer, le travail, la famille, l'amour et l'adversité. Notre équilibre est parfois bien fragile. Comment faire face lorsque tout nous semble insurmontable? Face à la mer, le héros de Françoise Bourdin devra puiser au plus profond de lui-même pour retrouver goût à la vie. Face à la mer, de Françoise Bourdin, un roman déjà inoubliable, aux éditions Bellefond. Les Durand vendent maison, 150 mètres carrés, grand jardin, piscine. Ils sont en vacances à Paris. Les Martins cherchent maison, 150 mètres carrés, grand jardin, piscine. Ils sont en vacances en Bretagne. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Allô ma belle, devine où je suis. Ah, ton nouveau cours de yoga. Non. Séance de shiatsu. Non, toujours pas. Bon, écoute, il y a des Opel partout et des offres exceptionnelles à ne pas rater pour faire de bonnes affaires. Oh, je sais, le mondial de l'auto. Presque. Le salon de l'auto. Non plus. Oh, bon, je sèche. Chez mon concessionnaire Opel, près de chez moi. Il n'y a pas qu'au salon de l'auto qu'on peut profiter des offres du salon de l'auto. Jusqu'au 31 octobre, l'Opel Karl est à partir de 7 690 €. Oui, 7 690 €, avantage client déduit. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 15 et 16 octobre selon autorisation. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse deux fois la différence. Modalités complètes, règlements et magasins participants sur intermarché.com. Jusqu'au 23 octobre. Karine Lemarchand, on se dit au revoir, on se retrouve donc sur M6 à 20h50 dimanche soir. En face de vous, vous aurez Hyperchondriaque avec Danny Boone. Bah je sais, j'ai peur. Attendez, ne me dites pas ça. Bah, si, je vous le dis. Parce... Oui. Alors, tous ceux qui regarderont Hyperchondriaque attraperont une maladie mortelle. Hein. Voilà. Elle est folle. Merci beaucoup. On a passé un excellent... Ah, oui, un petit coup de klaxon. Ah ben ça, c'est Julien Courbet en direct du Hall 2. Non. 2. Mais si, effectivement. Au salon de l'auto. Sachez, Karine, que j'ai fait un peu de politique quand j'étais très jeune. Si vous voulez m'interviewer sur votre canapé, je peux vous livrer plein de choses, si vous voulez. Vous êtes, candidat à la présidentielle ? À ce que vous voulez. Du moment que vous m'interviewez, je peux être candidat à n'importe quoi, moi. Avec plaisir. Ça s'est bien passé avec M. Calvi ? Oh, ben c'est un amour. Et c'est surtout le meilleur, pour moi, le meilleur journaliste politique. Et il le sait. Et c'est bien dommage, parce que c'est fini. Hein. Oui, c'est ça. Calvi, c'est fini. Et dire que c'était la belle info du jour. Calvi, c'est fini. C'est qui ? Et maintenant, c'est la place de... C'est lui qui chante ? Voilà. Non, c'est pas lui qui chante. C'est quoi ce cadeau, M. Calvi ? Mais c'était une radio qui était bien avant RTL. Oui, oui. En fait, c'est un truc de taré. On est tous malades, c'est bizarre. Bon, il faut qu'il commence son émission, notre Julien. Oui, puis je fais les grosses têtes tout à l'heure en plus. Bon. Ça roule. Allez, belle émission, poète. Ciao, ciao. Effectivement, nous sommes au salon de l'hôtesse sexy où il se trouve qu'il y a quelques voitures à côté et nous allons faire maintenant 1h30 d'émission en direct du salon avec Christelle Chollet, vous l'avez compris, et mon invité ce matin. Nous ne sommes pas nombreux dans le studio, mais nous allons quand même l'applaudir. Elle qui triomphe au Palais Royal. Tous les jours. Alors, bien sûr, nous allons parler voiture. Il y a Maître Félono qui est là. Bonjour à tous. Le druide est arrivé. Bonjour, Maître de Caumont. Bonjour, Julien, et bonjour à tous. En direct du Mondial Automobile. Deux envoyés spéciaux. Alors, on en a un studio qui va négocier. C'est Bernard Sabat. Ça va, Bernard ? Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Vous êtes tout seul dans le studio là-bas. Complètement perdu, mais accompagné avec Marie, Charlotte et Xavier. Et puis, une charmante hôtesse. Il a bien compris. Vous êtes complètement seul dans le studio. Eh oui, je suis avec Marie, Charlotte, Françoise. En fait, il en donne plus que les autres jours. Et puis, il y a dans le salon Hervé Pouchol qui se trouve quelque part. Hervé, vous m'entendez avec votre micro ? Alors, je me trouve quelque part. Je peux pas vous dire où, parce que je suis depuis, ça fait à peu près 10 minutes que je suis sur le même tapis roulant et je ne sais pas du tout où je vais, mais en direction de, je ne sais pas. Il ne s'arrête jamais, ce tapis. Je ne sais même pas où il est. C'est-à-dire qu'il a. Ah, ouais. C'est sur le tapis roulant, là, c'est comme les hamsters. Il est sur un tapis roulant, il ne sait pas où mène le tapis roulant. Si ça se trouve, c'est un tapis roulant qui peut aller très loin. Vous allez vous retrouver à Laval ou à Niort, on ne sait pas où il va. Bon, vous nous direz dès que vous êtes arrivé au bout du tapis roulant. Ah oui, dans une demi-heure, oui. Allez, on va écouter le cas de Gaëtan, ça démarre très fort pour ce premier cas voiture. Voilà ce que Gaëtan nous a laissé sur le répondeur RTL. J'ai acheté un véhicule à un vendeur professionnel. Je me suis aperçu que le kilométrage a été trafiqué. Et pas qu'un peu. Il y a 70 000 km de différence. Bonjour Gaëtan. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL, Christelle vous fait un petit bisou. Bonjour Gaëtan. Vous savez Gaëtan bonjour. Que Christelle est très écologique, elle a une voiture électrique. Absolument. Complètement Gaëtan. Électrique, ouais. C'est-à-dire qu'elle a acheté celle qu'on peut prendre normalement en... Comment elle s'appelle les voitures qu'on Autolib. Peut prendre. Voilà, les Autolib, elle en a acheté une et elle ne se gare que dans les endroits comme ça. Tu vas raconter peut... ma vie tout le long de l'émission. Oui. Sachez également qu'elle a des problèmes intestinaux régulièrement, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Parlons plutôt de vous Gaëtan, le 14 novembre 2015. Vous avez acheté sur un site un véhicule 3500 euros. Combien avait-il au compteur ? Au compteur, il avait 129 000 km. Un peu comme Maître de Caumont. Mais vous l'avez acheté auprès d'un professionnel. Hein. On est bien d'accord, auprès d'un garage. Et peu de temps après, le véhicule indique un défaut par intermittence, injection à contrôler. C'est bien ça ? Injection à contrôler, oui. Un peu comme Maître de Caumont. Et puis, pour vous rassurer, vous faites faire un nouveau contrôle technique. Et alors là, évidemment, le nouveau contrôle, il va être complètement différent du premier. Donc, vous avez rappelé le premier propriétaire. Et attention, là, ce que vous pouvez me faire, mais un truc un peu de suspense, même a cappella, c'est pas grave, parce que vous allez voir que la nouvelle qui va arriver est incroyable. Merci. 200 000 kilomètres. James Bond, tu vois. Ah, c'était la musique de James Bond, j'avais pas reconnu. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Écoutez bien, mesdames et messieurs. 200 000 km au compteur. Ouais. 200 000, la voiture aurait 200 000 au lieu des 129 000. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Alors là, tout de suite, Maître Decaumont, expliquez à tout le monde, est-ce très grave de trafiquer un compteur ? Première question. Deuxième question, si le garagiste n'est pas au courant qu'il a vendu une voiture avec un compteur trafiqué, est-ce qu'il est quand même responsable ? Alors, c'est très grave, oui, Julien, parce que c'est beaucoup plus grave qu'un vice caché. C'est une tromperie, c'est-à-dire c'est une infraction pénale, c'est-à-dire qu'on va devant le tribunal correctionnel, on peut aller en prison à la suite de cela, vous comprenez ? Et le problème majeur qui se pose par contre, c'est de savoir qui l'a fait. Parce que si je vous vends la voiture en ignorant totalement, parce que moi-même je l'ai achetée à 125 000 km, que le compteur a été trafiqué par un précédent propriétaire, je ne suis pas coupable pénalement de cette infraction. Mais est-ce que je dois le rembourser au moins de la voiture ? Vous pouvez à ce moment-là vous placer sur un terrain civil, mais je n'irai pas en prison, je n'aurai pas la pression du risque de la sanction pénale, mais on va voir que dans ce dossier, par bonheur, c'est très facile de savoir qui a trafiqué le compteur. Alors, nous allons lancer les appels, vous l'avez appelé, ça s'est bien passé Gaëtan, quand vous lui avez annoncé la bonne nouvelle au garagiste ? Non. Quand je l'ai eu au téléphone, il a complètement nié au départ. Oui. Ensuite, il a à moitié avoué en disant qu'il l'avait signalé, qu'il nous l'avait dit. Quand on a acheté le véhicule, mais pensez bien que j'aurais pas acheté le véhicule si je le savais. Et donc, ensuite, il m'a insulté, a raccroché. Il vous a insulté. Peut-on avoir un exemple? Parce que nous sommes très friands de ce genre de choses. Juste pour savoir un petit peu, comme je vais l'appeler, à quoi dois-je m'attendre? Pour l'insulte, je peux la dire. D'aller me faire... Ah oui, d'accord. Il vous proposait d'aller visiter l'Europe, particulièrement la Grèce, et y découvrir peut-être certaines coutumes locales. Ok, voilà, bien d'accord. Plus poliment. Voilà, là, moi c'est clair. Mais voyez, dit comme ça, tout d'un coup, ça devient poétique. Ouais. Alors nous allons appeler maintenant, et je ne vous cache pas, j'ai oublié de présenter, je suis navré, il y a le guitariste de Madame Chollet. Monsieur Raphaël Alazraki, qui est là ce soir. Qui est incroyable, qui est sur scène. Ce matin. Il y a combien de musiciens sur scène d'ailleurs ? 12. Il y en a 12, c'est incroyable. Non, ils sont deux, mais on a l'impression qu'ils sont 12. Allez, on y va. On va lancer l'appel. Vous me préparez l'appel, Bernard, dans une seconde. On marque une petite pause. On est prêt, Julien. Et dans une seconde, nous allons avoir, bien sûr, le garagiste. Alors, je ne sais pas si Xavier Kassovitch peut nous faire écouter quelques garagistes que nous avons appelés. On n'a pas de chance. Quand on appelle les garagistes, on se fait, mais alors copieusement, insulter. Mais des trucs de malade. Jamais avec les autres, mais les garagistes ne peuvent pas me blairer. Il y en a des sympas, mais alors quand ils ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas. Je ne sais pas si Xavier peut nous en faire écouter. Écoutez, pour que Christelle voit un petit peu, parce qu'on va la faire téléphoner, évidemment, je ne vais pas me mouiller. Vous me faites écouter, Xavier. C'est moi qui vais me faire insulter, c'est bien, c'est sympa, merci. Pourquoi vous n'avez pas donné la carte grise, monsieur? Écoutez, nique ta mère. Nique ta mère, on dirait que nique ta mère. Voilà. Essaye de comprendre les histoires avant d'en parler. Mais je crois que là, on a tout dit, monsieur. C'est de bâtin, si jamais je t'ai rencontré devant moi, tu vas voir ce qu'aurait fait le malin comme toi. Voilà. C'est un sympa encore. Lui, il fait partie de la catégorie des sympas, on a eu pire. Mais ça, on vous le garde pour la suite. Il est 10h20, pause et on appelle le garagiste. Attention, vous êtes sur RTL, nous sommes en direct du Mondial de l'Automobile et notre invité, Christelle Chollet, qui vous donne rendez-vous le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi au Palais Royal pour un spectacle extraordinaire. On vous en parlera, on peut en parler en plus parce qu'on l'a vu. Maître Fellono l'a vu, Hervé Pouchol l'a vu, je l'ai vu. Et quand on dit que c'est l'un des plus beaux de la rentrée, eh bien on ne vous ment pas. Merci Julien. A tout de suite sur RTL. Pour cette pub Bricoman, on voulait prendre Bruno, maçon, pour qu'il vous raconte comment nous l'aidons en lui offrant les grandes marques du bâtiment au meilleur prix. Comment nous l'accompagnons en lui proposant grâce à sa carte Premium Pro des tarifs préférentiels et le paiement différé. Comment nous le rassurons en lui garantissant des stocks en quantité chantier. Mais on n'allait pas lui faire perdre du temps pour venir enregistrer cette pub. C'est vrai, ce serait pas pro. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Plus d'infos sur bricoman.fr. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 23 octobre, découvrez les journées soins visage Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins, profitez d'un diagnostic personnalisé et de 7 jours d'essai offerts. Les journées soins visage vous attendent dans les 670 magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Yves Rocher. Le guide Hachette des vins 2017 est paru. Les meilleurs vins de France sélectionnés à l'aveugle. 450 coups de cœur, 2000 bons plans à moins de 15€. Grand cru, vins de terroir, des vins pour tous les goûts, à tous les prix. Le guide Hachette des vins pour choisir sans se tromper. Disponible aussi sur hachette-vin.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Yvonne vend appartement de pièces, travaux à prévoir, belle exposition. Elle est avec son chien, elle le promène. Michel cherche appartement de pièces avec travaux, belle exposition. Il est avec une jolie fille, il fait le tigre. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Record à battre chez Conforama. Jusqu'au 25 octobre, des prix imbattables sur le meuble, la déco, le multimédia et j'en passe. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Ah, Venise, Venise et son célèbre opéra La Fenice. Mais si dans les coulisses se jouait un autre air, chargé de tensions et de sourdes menaces? Il est temps d'entrer en scène, commissaire Brunetti. Brunetti en trois actes de Donna Leone. La reine du polar vénitien a encore frappé. Brunetti en trois actes, aux éditions Calman Lévy. Si vous essayez de vous garer depuis une heure et que dans votre tête, ça fait... C'est que vous conduisez Citroën C4 à partir de 175 euros par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois à 30 000 km après un premier loyer de 2100 euros. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. En direct du mondial de l'automobile, Gaëtan nous a raconté avoir acheté une voiture et il s'est aperçu que le compteur était trafiqué. Alors maintenant, on va demander un peu des explications. Le garage n'était peut-être pas au courant quand il l'a vendu, mais il faut qu'on arrive à rétablir la situation. Appelons tout de suite, c'est parti, j'espère qu'on va tomber sur un sympa. Bernard, le numéro est fait, nous partons dans le 62. Exactement, et c'est un portable, Julien. Et nous allons appeler On en a un deuxième, Julien, vous inquiétez pas. Je sais bien, je ne m'inquiétais pas de toute façon. Sachez-le, je suis d'une nature plutôt optimiste, je ne m'inquiète jamais dans la vie. Inquiétez-vous, Julien. Tu repasseras plus tard. Non, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc, ce que je vous propose, nous allons faire, il est là notre auditeur, nous allons faire comme nous le faisons régulièrement, Gaëtan. Non-stop, Bernard va essayer d'appeler, puis tout d'un coup, vous entendrez la petite alerte que voici. Ça veut dire qu'il a réussi à voir quelqu'un et il le basculera immédiatement sur l'antenne, d'accord ? Très bien. Gaëtan, vous restez près du téléphone. Avant de sortir le porte-voix, je préfère qu'on essaie de l'avoir. Il est peut-être en rendez-vous. On va en attaquer un deuxième. Quel est votre rapport avec la voiture, vous, ma chère Christelle ? Est-ce que vous avez déjà eu des galères avec ou pas ? Non, mais jamais, moi. Avec une voiture électrique, on n'a jamais de galère. Alors, voilà. j'ai son musicien qui est à côté qui n'a pas l'air tout à fait d'accord. Est-ce qu'elle conduit bien ou est-ce que, honnêtement, vous qui avez déjà été. Prenez le micro, mon petit Raph. Je conduis excessivement bien, prudemment. Quand elle est en stationnement. Il manque souvent en rétro. Il se passe des trucs bizarres. Vous écoutez un musicien ? Non, vous avez raison. Nous allons nous retrouver dans une seconde. J'ai une petite nouveauté à vous faire écouter, le temps d'attaquer le cas numéro 2. Le cas numéro 2, ça sera le cas de Maria. Maria, rappelez-vous, vivait l'enfer. Elle nous avait expliqué qu'un garagiste carrossier s'était installé juste devant chez elle et dans le petit chemin qui menait à sa maison, il y avait des épaves de voitures. Lui, s'installait un petit peu dans son jardin. C'était de l'art, elle n'a pas compris. C'était la femme de, comment s'appelait-il, celui qui compressait César. César. Merci, maître de commande, de vous être réveillé pour cette occasion. Oui, je vais me recoucher, c'est bon. Et nous allons donc attaquer ce cas dans une seconde. Alors, petite nouveauté, c'est Bruno Mars. Le tout nouveau vient d'arriver. On vous le met, on le sort de la pochette pour la première fois. Ouais. Ça, c'est un titre qui va vous plaire apparemment, maître Filono, car il s'appelle 24 carats. Vous déplacez à partir de combien, honnêtement ? 24. 24 carats, oui, ça vous va ? Alors, on écoute Bruno Mars sur RTL en direct. Second best.

Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-ride en pharmacie et chez Marionneau. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. Non mais attendez, je rêve. Vous n'êtes pas en train de sauter les filles dans le studio ? Ah, si, moi, souvent. Souvent, moi. Une pub avec les rides divisées par deux. C'est incroyable. Alors, vous n'en avez pas encore ? Non, pas concerné. On n'en a pas. D'accord. Ouais, okay. J'en ai pas, c'est toi qui as sauté de joie, Julien. D'ailleurs, Madame Chollet, j'ai reçu un texto de votre metteur en scène à propos de la voiture qui dit que vous avez inventé le concept de la poubelle électrique. En fait, il dit entrez dans sa voiture et vous verrez ce que c'est qu'une poubelle électrique et non pas une voiture électrique. Maria, soyez la bienvenue. Bonjour, Maria. Ça va, Maria ? Oui, très bien. Maria, vous nous aviez appelé il y a quelques temps pour nous dire qu'un garage carrosserie s'était installé en zone pavillonnaire, sans autorisation de la mairie, et il brûlerait toutes sortes de choses, et la cheminée de sa cabine de peinture se trouve sous les fenêtres de chez vous. On est d'accord ? Oui, c'est ça. D'où des odeurs nauséabondes et des débris carbonisés sont éjectés. Les fumées. C'est le garage Landru, non ? C'est pas ça ? Non, c'est exactement ça. Et Maria est obligée de fermer toutes ses fenêtres, même quand il fait beau. Elle est allée voir le garage, il vous aurait ri au nez. La mairie est venue constater, aurait confirmé que le garage n'aurait pas d'autorisation et pourtant rien ne bougeait. Alors on avait appelé ce fameux garage qui ne reconnaissait pas vraiment les faits, mais qui nous avait quand même dit « je vais bouger ». Ok, laissez-moi un peu de temps, on va sortir de là et on va aller ailleurs. Est-ce qu'il l'a fait, Maria ? Du tout, ça a multiplié par deux l'activité maintenant. Donc notre intervention a été remarquable car non seulement rien n'a changé, mais ça s'est même multiplié par deux depuis que nous l'avons appelé. Donc si vous avez des emmerdes et que vous voulez doubler ces emmerdes, vous m'appelez tout de suite au 3210, je peux faire en sorte que vous soyez doublement arnaqué. Donc vous avez appelé Sarah pour essayer de savoir ce qui se passait. Oui, alors je tenais à vous rappeler que c'est l'effet Kiss Cool, puisque moi il m'avait contacté, il m'avait assuré avoir acheté un local, il m'avait même assuré avoir commencé à déplacer les véhicules. En gros, il m'a pris pour un pigeon. Alors moi je l'ai rappelé, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, on a tourné en rond et j'ai dû insister pour obtenir des informations. Je vous invite à écouter, c'est très parlant. Vous étiez passé sur Croix RTL il y a quelques temps et vous aviez dit que vous alliez racheter un local et déménager les voitures. Des fois je tape, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que je vais déménager du jour au lendemain. Donc le désordre vous dérange dans ces cas-là. Mais il n'y a pas la mairie qui vous l'a signalé ? Non, personne. Vous êtes passé dans l'émission de Julien Courbet ? Ils ont fait de l'audience, c'est tout. J'ai cru que vous alliez avoir des trucs grâce à eux ou quoi ? C'est juste elle a eu de l'audience. Vous l'avez acheté le local pour déplacer les véhicules ? Déjà, j'ai gardé les voitures dans une rue en face où ça gêne vraiment personne. Si je trouve un local à 300 000 euros, vous allez me financer la moitié ? Non ! Alors, ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que nous, on ne veut pas l'embêter, ce professionnel, mais il ne peut pas quand même mettre Félonneau, avoir une activité comme ça. Et la mairie sait qu'il n'a aucune autorisation et personne ne bouge. Donc, ça veut dire qu'on peut s'installer où on veut, finalement. Et, c'est exactement ça. Donc, en fait, la mairie dit bougez les premiers. Moi, je suivrai. Mais elle pourrait faire des injonctions, effectivement, de stopper l'activité. Mais alors, visiblement, ce n'est pas dans les tuyaux. Est-ce que vous voulez vous endormir en micro ? C'est pas dans les tuyaux. Si vous avez envie de vous endormir, allongez-vous par terre. Il y a un peu de moquette, mais si vous êtes avec nous, soyez avec nous. Parce que j'ai jamais encore entendu « Non, on pourrait... » Moi, je n'ai pas rien à foutre, tout ça. J'ai jamais envie de faire de la radio, ça me chie. Elle attend son 24 carats, en fait. Je veux rester chez moi, aller faire des soins. Qu'est-ce que je vais faire ? En Thierry, en plus, il a fallu ce matin prendre les transports en commun. C'est ça vrai. Ça pue, putain. Bref, vous êtes avec nous ? Oui, Sarah. Avant qu'on le rappelle, je tenais juste à ce qu'on se rappelle ce qu'il avait dit à Hervé Pouchol à l'époque. Écoutez, Julien. Ah. Mais j'ai une autre piste concernant le propriétaire du garage qui vient de me donner une information importante. Il souhaite s'agrandir. Et donc, s'il s'agrandit, il va déménager. Donc ça, c'est la deuxième piste. Et s'il trouve un terrain, il pourrait partir. Ça serait formidable. Ça serait pas mal, et on participera à annoncer sa nouvelle adresse sur l'antenne d'RTL. Comme ça, tout le monde serait content. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Christelle ? Mais visiblement, il s'est agrandi dans le jardin, voilà. Madame, c'est ça ? Un petit peu. D'ailleurs, on va demander à Hervé, qui peut-être peut nous en dire plus. Il est toujours sur son tapis roulant, Hervé ? Ah non, je suis sorti du tapis roulant, je suis revenu à l'entrée et je peux vous confirmer qu'effectivement il m'avait bien dit qu'il allait s'agrandir et donc déménager. Donc ce monsieur tendance un petit peu à mentir. Sinon tout à l'heure je vous parlerai des tests que j'ai effectués tout à l'heure qui sont pas très brillants. Ah d'accord, Christelle est concernée parce qu'elle a quand même le seul envoyé spécial qui est muni en plus d'un matériel qui nous a coûté une petite fortune, qui part de l'entrée, il prend un tapis roulant et au bout du tapis roulant il se re-retrouve à l'entrée. Vous voyez, non, donc j'imagine Hervé Pouchol en hamster depuis tout à l'heure. Et tout ça aura pris 25 minutes, c'est génial. On appelle... Je suis désolé mesdames et messieurs, mais bon, c'est un peu le charme de l'émission. On appelle ce monsieur. Allez, c'est parti, vous Julien. Me faites le numéro, Bernard. Oui. Allez, on appelle donc ce monsieur qui fait de la fumée et des débris carbonisés qui sont éjectés chez Maria. Et qui a dit, monsieur Courbet, oh, il fait de l'audience. Non. Il répond pas non plus. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est Shkoumoun un peu. Hein. Vous me préparez le numéro de la mairie également, s'il vous plaît, Bernard, qu'on essaie de savoir s'ils peuvent nous aider. La mairie de Mandre. Bonjour. Ah, je suis au garage KST Autoservice. Oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Oui. J'espère que je ne vous dérange pas, nous sommes en direct sur la radio RTL. RTL. Je me permets de vous rappeler monsieur concernant Maria, votre voisine. Ben, le gérant, il n'est pas là monsieur, il n'est pas encore là. Ah, vous n'êtes pas Yoganaja Tibakaran? Non. D'accord, est-ce que vous avez une possibilité pour le joindre? Attendez, Sarah, oui, vous le reconnaissez? Mais oui, monsieur. Ah, oui. Il paraît que vous êtes Yoganaja Tibakaran. Mais oui, hier, vous m'avez dit que vous étiez le gérant, je vous ai appelé hier, vous vous rappelez de ma voix? Oui, mais c'était pas vous moi. Vous m'avez dit. Mais il l'est plus depuis dans la nuit, ça a changé. C'est ça. Bon, désolé. Monsieur, à qui peut-on parler, s'il vous plaît? Rappelez-lui 10 minutes, un quart d'heure, il sera là. Allez, vous lui dites, hein, on veut, nos attentions sont pacifiques, on veut juste arranger le coup avec la voisine qui en a un petit peu marre. Donc je rappelle dans 10 minutes. Allez, on rappelle le garage KST. Allez, ça marche, merci monsieur. Quel est votre prénom? Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. C'est sa façon, quand vous demandez les prénoms des gens, vous avez l'impression que vous lui demandez qui a tué JFK. Non, il ne veut pas donner son prénom. Ah, une alerte, Bernard Sabat. Oui, Julien, on revient sur le cas de Gaëtan et ce fameux garagiste qu'on n'arrive pas à joindre, garage Pinchon. Bon, écoutez, on a fait une petite enquête de voisinage avec Charlotte et Marie. On a trouvé une station-service qui est juste en face. Elle a été voir. Et malheureusement, elle nous a dit que ce garage est fermé ces derniers temps. Il ne vient plus dans son garage. Donc, on voulait avoir, on peut que lancer maintenant un appel à donc un monsieur. S'il s'appelle Garage Pinchon, je suppose que son nom c'est Garage. Non, c'est Pinchon. Donc, monsieur Pinchon, si vous nous écoutez, merci de nous rappeler pour essayer de savoir ce qui va se passer. Alors, dans ces cas-là, maître de Caumont, préparez-nous une réponse parce qu'il va falloir savoir si le garage n'existe plus. Est-ce qu'elle se retourne vers le premier propriétaire? Que peut-elle faire avec un compteur trafiqué? Toutes vos histoires de compteurs trafiqués tout de suite au 30-10 ou bien RTL.fr ou le site Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et j'aimerais qu'on parte maintenant, avant les infos, en pub, avec Harley Davidson, car c'est aussi, il doit y avoir de belles motos ici dans le salon. Ah oui, alors, c'est ça, on en moto, fonce. La moto. Ah oui, c'est exactement. Parti, attention. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je n'en connais plus personne en Harley Davidson. J'ai l'impression qu'elle allait un peu vite la moto à un moment donné. Non, non, tu vas voir, c'est après. C'est après. Ah ouais, c'est je vais chez Monsieur Pinchon et je me retrouve comme un con. Brille les deux dans le vent. Merci Christelle Chollet. Allez, on se retrouve dans une seconde sur RTL. RTL. On en parle. Les pouvoirs publics ont développé un réseau de conseillers rénovation infoservices partout en France. Rémi Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait appel à ce service? Oui, ma femme et moi, on a une petite maison des années 50 en Isère. Mmh. Elle n'était pas très bien isolée. Alors, on a décidé de faire quelques travaux de rénovation pour que ce soit un peu plus confortable, surtout l'hiver. Et pourquoi avoir consulté un conseiller rénovation infoservices alors? On ne savait pas trop par où commencer. Je suis allé voir un conseiller. Il nous a bien aidé pour choisir les travaux à faire en priorité. Mmh. Isoler la toiture, les murs, choisir une bonne chaudière. Ouais. Il nous a aussi expliqué toutes les aides auxquelles on avait droit. Et pour nous, ça a été quand même moins 25% sur la facture. Ah oui, ouais, en effet. Mais alors, plus concrètement? Il faut d'abord trouver son conseiller rénovation infoservice le plus près de chez soi. Mmh. Ils n'ont rien à vendre, hein, c'est un service gratuit et indépendant. Et j'ai trouvé toutes les infos sur rénovation infoservice. Eh bien, merci beaucoup Rémi. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Bien couvert. Grosse doudoune. Laine de verre. Isolation performante. R égale 5. Prix confortable. 3,80€ le mètre carré. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. La laine de verre revêtue Kraft, épaisseur 200 mm pour usage multiple, est à 3,80€ le mètre carré, soit 22,80€ le rouleau de 6 mètres carrés. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Attention les filles, recoiffez-vous car le salon, le mondial de l'auto vient d'ouvrir ses portes. Donc les premiers visiteurs vont arriver et vont venir vous reluquer. Vous êtes sur RTL, nous sommes en direct du salon. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'hiver. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec Anne Le Hénaff. Bonjour Anne. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le sud-est des États-Unis se prépare à affronter Matthew et ses vents qui soufflent désormais à un peu moins de 200 km/h. L'ouragan est désormais classé catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5. Cela fait des dizaines d'années que la Floride n'a pas été touchée par une tempête de cette violence. Plus d'un million et demi d'habitants du littoral de l'État ont été appelés à évacuer la zone. Selon un sénateur d'Haïti, Matthew a fait plus de 300 morts dans le sud du pays, alors que certaines parties de l'île sont toujours inaccessibles. Mauvaise note pour le déficit de l'État français qui se creuse en un an. 96 milliards d'euros de trous en août dernier. C'est 6 de plus qu'il y a un an. La Bourse de Paris ouvre en baisse ce matin, moins 0,7%. Un bout d'aile du MH370 a été formellement identifié. Il avait été repêché en mai dernier sur l'île Maurice, à l'autre bout de l'océan Indien. C'est une partie du flanc arrière du Boeing 777, disparu en mars 2014, juste après son décollage de Kuala Lumpur avec 239 personnes à bord. La disparition de l'avion reste un mystère complet à ce jour. Rugby, Rococo et Carter ont pris des stéroïdes pour des raisons médicales. C'est ce qu'affirme ce matin un agent de joueurs néo-zélandais qui les représente. On a appris hier soir que les deux joueurs du Racing 92 ont été contrôlés positifs avant la finale du championnat de France. Finale remportée par le Racing sur Toulon en juin. Selon l'agent, les médecins du Racing 92 ont bien déposé les justificatifs autorisant ces joueurs à utiliser de la cortisone, le demi-ouverture Carter pour soigner un mollet. L'ailier Rococo pour un genou. Football, France-Bulgarie ce soir, c'est un match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Après leur nul face à la Biélorussie, les Bleus doivent gagner ce soir. Rendez-vous sur RTL de 20h à minuit pour le Club France RTL. La météo, la journée s'annonce plutôt calme. Le ciel sera nuageux sur un grand tiers nord, des Hauts-de-France jusqu'à la Normandie en passant par l'Île-de-France. Au sud de cette zone, du beau temps ce matin malgré un voile sur la façade atlantique. Voile qui s'étendra dans l'après-midi au sud de la Loire et sur les régions atlantiques. Le vent sur le nord du pays soufflera encore un peu mais moins fort qu'hier. Les températures cet après-midi, 15 degrés à Reims, 16 à Paris, à Lille et à Strasbourg, 18 à Lyon, 19 à Bordeaux, 21 à Montpellier, 23 à Marseille et le maximum 24 à Toulon. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur Viessmann.fr. Les courses, aujourd'hui à Vincennes en nocturne. Voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 7, 14, 15, 10, 12, 13, 11 et 8. La dernière minute de Bernard, c'est le 13 qui s'appelle Varus du Bocage. 10h04 sur RTL, vous retrouvez Julien Courbet. On m'appelle aussi Varus du Bocage dans vous certains aussi milieux. Oui, tout à fait. Ah ben, bonne journée, Varus. Je vous souhaite bonne Varus. Journée, Varus. Et en parlant de Varus, il y a Maître Felono et Christelle Chollet qui sont avec nous. Alors figurez-vous c'est que pas bien, Julien. Juste à côté, il y a un stand. Ils sont venus d'ailleurs nous offrir des petites confitures. Il y a le stand Andros et le monsieur qui vient m'offrir des confitures. Des compotes, Julien. Il n'a jamais vu une compote de sa vie, Julien. Oui, c'est vrai. Une compote, il me dit, venez sur notre stand, il y a un simulateur. Donc si vous avez envie d'aller simuler après, bien, vous pourrez y aller. Allez dans simuler quoi, une compote? Oui, je sais pas, vous vous installez dans le simulateur Andros et là vous faites ah oui oui, enfin je sais pas, je suppose que ça doit être comme ça. Bien, après il y a Maître de Caumont le druide, je le rappelle, grand spécialiste de l'automobile car nous sommes en direct du mondial de l'auto. Il y a, écoutez bien le dispositif, Hervé Pouchol qui fait une boucle, qui part de l'entrée du salon, il prend un tapis roulant, il revient à l'entrée, il tourne comme ça depuis maintenant 9h30. Est-ce que vous êtes toujours en train de tourner, Hervé Pouchol? Ah non, je suis avec Anthony qui vient de la Seine-Maritime, qui est avec ses enfants là. C'est la première fois que vous venez ici au Mondial? La deuxième fois. C'est la deuxième fois. Il vous donne le bonjour. Vous êtes venu acheter quoi? On ne sait pas pour l'instant. On va voir. On va voir les offres et puis les nouveautés. Bon, si vous voulez des compotes, j'ai une bonne adresse. Hein. Merci Anthony. Voilà, bah écoutez, là, merci pour ce bon moment en radio, Hervé Pichol. Écoutez, là, vraiment, on fait vivre vraiment ce mondial. Mais alors, j'ai jamais vu autant d'auto dans un salon. Hein. Ah oui, ça, dans un salon de l'auto, voir autant d'auto, c'est toujours très, c'est toujours fascinant. Incroyable. Hervé Pichol qui pourrait avoir, avec cette interview, le Pulitzer cette année. On n'en est pas encore sûr. Nous allons, si vous le voulez bien, faire un petit point info. Je suis navrée, Christelle Chollet, que ça tombe sur vous. D'habitude, c'est une émission. Je crois que je vais prendre Hervé Pichol en première partie, moi. Oui, vous lui mettez un petit escalator. Un tapis roulant. Et les gens, pendant qu'ils s'installent au Palais Royal, où se produit, je le rappelle, Christelle, tous les soirs dans un spectacle étonnant, bien, il y aurait un petit escalator, il tournerait comme ça. Faisons un point info, s'il vous plaît. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, nous avons démarré avec Gaëtan, une histoire incroyable de compteur trafiqué. Écoutez ce que nous a dit Gaëtan. J'ai acheté un véhicule à un vendeur professionnel. Je me suis aperçu que le kilométrage a été trafiqué. Et pas qu'un peu. Il y a 70 000 km de différence. Maître de Caumont, malheureusement, nous avons appelé le garage, il semble fermé. Quel est le recours maintenant pour Gaëtan ? Ça va être très difficile, Julien, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, là, on ne se transmet pas en quelque sorte, comme pour un vice caché, la responsabilité. Elle n'appartient, cette responsabilité, qu'à celui qui a trafiqué le compteur. Or, il semblerait, de l'étude de ce dossier, ressortir que quand le dernier professionnel a acheté ce véhicule avant de le revendre à Gaëtan, le précédent, qui était, je crois, aussi un professionnel, avait clairement annoncé que le kilométrage était aux environs de 200 000 km. Donc, a priori, on a la preuve que le trafic, le traficage du compteur... Il doit déposer une plainte. Alors, à mon avis, il faut qu'il dépose une plainte, parce qu'attention, c'est pas parce que le garage a baissé le rideau et qu'éventuellement il a déposé le bilan, etc., que ça exclut sa responsabilité pénale, qui, elle, va être poursuivable dans les 3 années qui suivent. On relance un appel à Monsieur Pinchon. Monsieur Pinchon, qui était à Marconne, dans le 62, 27 rue du Progrès, soyez sympa. Merci de nous tenir au courant et de nous rappeler que l'on puisse avancer. Le deuxième cas, oui, Nathalie Fellono. Oui, moi, je note quand même que ce monsieur exerce sa profession à titre personnel. Ça veut dire qu'il y a confusion entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Ça veut dire qu'il peut répondre de tous ses biens s'il est condamné. Donc il faut aller le rechercher devant le tribunal. Et il y a une assistance protection juridique qui ne porte que ce nom et qui n'assiste pas notre ami Gaëtan, parce qu'à chaque fois elle essaye de le dissuader en disant ne faites pas de procédure, vous allez avoir un jugement que vous ne pourrez pas exécuter. Eh bien non, parce que sinon on peut laisser les gens continuer à faire des arnaques indéfiniment. Il faut les faire cesser d'exercer dans ces conditions-là s'ils maintiennent cette attitude. Dans quelques instants, nous allons re-appeler pour Maria le garage afin d'avancer. Je voudrais que l'on dise un mot avec vous, Christelle, donc de ce spectacle. Alors, vous savez, je ne vais rien dire sur le spectacle pour ne pas qu'on dise « Oui, à chaque fois qu'il y a un invité, ils sont tous formidables, etc. » Mais vous, moi, vous pouvez. Peux. Alors, est-ce que vous avez été voir le spectacle Maître Fellono? Que pouvez-vous en dire? C'est au Palais Royal. C'est Broadway. Ah. On dirait qu'elle est 100. Extraordinaire. Les musiciens, ils sont 12, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est quand même Batman et Captain America sur scène. Hein, j'ai deux musiciens incroyables. Oui, c'est vrai, ils sont incroyables. Ils l'étaient déjà, surtout, mais là, c'est incroyable. C'est surtout ce spectacle, il faut aller le voir, parce qu'il y a beaucoup de spectacles à Paris. On a tout à fait le droit de faire du stand-up, de faire tout ce qu'on veut, des sketchs, n'est-ce etc. Pas, mais, Julien. Mais non, mais le vôtre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est, je crois que c'est, il est un peu unique parce que ça chante, il y a ces écrans géants, on va pas dévoiler ce qu'il y a dedans, mais il y a aussi des parties stand-up, et c'est tout ce mélange qui fait que c'est ces grands spectacles à l'américaine. Et que ce spectacle est unique et qu'il est d'ailleurs dans les meilleures ventes. En plus, c'est le troisième, donc je suppose qu'il y a toute l'expérience des deux premiers a servi. Oui, ça a servi. Puis on s'amuse encore plus, effectivement, avec les décors et les parties techniques. Puis on fait des choses. J'aime bien, par exemple, parler du fait que pour chaque situation que l'on vit, il y a une chanson qui va avec. Par exemple, le premier baiser que vous faites à votre femme. On va pas parler d'autres choses, Julien, évidemment. Enfin, vous vous rappelez de la chanson du premier baiser ou pas? Ça devait être. Alors je sais pas si c'était Grease ou La Boom. Alors je fais ça dans mon spectacle. Je demande aux gens de me balancer les chansons de leur première. C'est pour l'avoir vue. Et alors attention, elle ne se fait jamais piéger. C'est-à-dire que quelle que soit la chanson, vous trouvez toujours. Et vous, Maître Fellono, c'était quoi? Rina Kitty. C'était oui. Je ne sais plus du tout. Un Beatles, je pense, un bon Beatles. Ah. Ou un truc Maybe comme you ça. Could drive my car. Exactement. Maybe you can be a star. C'est ça, on l'est tôt, c'est normal. Hein. Beaucoup d'interactions, de l'humour, on rit et surtout on en prend plein les yeux. Palais Royal, Christelle Chollet. À tout de suite pour appeler pour Maria qui vit un calvaire avec le voisin, nous dit-elle. Ça fait combien de temps que vous avez envie de changer votre tapis, de vous offrir un nouveau parquet, une nouvelle moquette, de jolis rideaux? Avouez! Alors, il n'y a plus de temps à perdre. Ce week-end chez Saint-Maclou, profitez de 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Oui, 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur les vinyles, tapis, moquettes, parquets, papier peint, rideaux, stores et même sur les carrelages et les peintures. Une bonne affaire qui arrive juste à temps chez Saint-Maclou. Offre valable du 6 au 10 octobre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Le prix inratable chez U cette semaine, c'est 5 pains au chocolat et 5 croissants sélection U au beurre plus 5 chaussons aux pommes U à 3,50€ seulement. Bien. 3,50€ les 15 viennoiseries. Inratable. Produit transformé en France, 1,025€, soit 3,41€ le kilo. C'est jusqu'à samedi au rayon pain pâtisserie viennoiserie dans les hyper U et super U participants équipés d'un point de cuisson. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle fait partie de communauté, fait son jogging avec une application, aime les cafés avec des petits dessins sur la mousse, fait attention à son budget, photographie tous ses plats, elle trie, recycle, elle pense à la planète. Et Marie sait que pour tout ça, Boulanger l'accompagne au quotidien. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques jusqu'au 23 octobre. C'est bon pour vous, bon pour la planète, bon pour Marie en somme. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films ? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Nous sommes les prix jamais vus de chez Castorama. Moi et mes copains, on arrive en force dans les rayons. Pas vrai, les copains ? Oui ! Et oui, pendant 15 jours seulement, c'est la chasse aux prix chez Castorama. Des bonnes affaires, des quantités limitées, des prix barrés, des centaines d'offres à saisir. Vite, foncez chez Castorama pour profiter de nos prix jamais vus. C'est seulement jusqu'au 17 octobre et vous savez ce qu'on dit. Premier arrivé, premier servi. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, on y retourne, Christelle, Marie, on retourne maintenant chez Maria, pardon. Maria, nous rappelons, puisque tout à l'heure, on a eu un monsieur qui nous a dit « c'est pas moi le gérant », alors elle n'est pas si sûre que ça, Sarah, on va bien voir. Si ça ne répond pas, c'est que c'était lui. Si ça répond, c'est que c'était pas lui. Voilà. On va jouer à « c'était lui ou c'était pas lui ». Ça devrait sonner, Bernard, c'est bon ? Ça sonne, Julien. Je dois raser que c'était lui. Allez, on va voir, nous sommes au garage. KST Autoservice. Où nous aurions pu avoir tout à l'heure Yoganaja Tibarkaran, qui est son nom. D'accord. Qui nous a dit, non, c'est pas moi. Et là, il va changer de voix. Et là, maintenant, il n'y a plus Yoganaja Tibarkaran, ce qui veut dire... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Que nous nous sommes fait avoir comme des bleus. Il voilà. s'est fait avoir comme un bleu, le bleu qu'il a au fond des yeux. Bien, Maria, nous lançons donc un appel au garage KST Autoservice. Nous y reviendrons donc lundi, mardi, mais on va rester avec vous parce que vous allez essayer de m'avoir la mairie, s'il vous plaît. On rappelle, Nathalie, que là, la mairie, elle peut quand même un petit peu intervenir. Il a le droit ou il n'a pas le droit, écoute, ainsi que la préfecture. Il faudrait qu'on ait la préfecture. Il faut quand aussi. Même des autorisations, d'autant plus qu'il s'agit d'une profession très réglementée parce qu'elle est très polluante. Donc, effectivement, balancer des fumées comme ça qui sont chargées de suie, c'est très embêtant. Et en plus, maintenant, prendre la voie publique pour son garage privé, puisqu'il reconnaît qu'il fait stationner ses véhicules en attente d'intervention, ben non. Mais il n'a pas d'autorisation pour faire ça ? Non, il n'a pas d'autorisation. Non, vous ne pouvez pas vous mettre n'importe où à côté d'une maison et balancer de la fumée, des produits toxiques. Là, il s'est mis à côté, elle est voisine. C'est pour ça, nous, on ne veut pas l'embêter, ce monsieur, mais on ne peut pas venir tout d'un coup s'improviser carrossier ou ce que vous voulez dans une zone pavillonnaire. Oui, Sarah ? Je voulais juste rappeler que le service de l'urbanisme avait confirmé à Hervé qu'ils allaient se déplacer. On les attend toujours quand eh même. Eh bien, on les appelle. Allez, préparez-moi le numéro. Bien joué, Sarah. On appelle la mairie et nous allons essayer d'avoir soit monsieur le maire, soit son cabinet. Vous me préparez le numéro, Bernard ? Dès que vous l'avez, vous me faites une petite alerte ? C'est fait, Julien. Allez, on y va dans une seconde. Vous aimez bien Francis Cabrel ? J'adore Francis Cabrel. Non, c'est vrai. Et vous aussi, Maria ? Ah oui. Quelle est votre chanson préférée de Francis Cabrel, Maria ? Oh, je les aime toutes. Non, donnez-moi une, il m'en faut une, celle que vous voulez. Petite Marie. Petite Marie, ça vous va ? Voilà, Petite Marie. Allez, oui, on va voilà. vous faire une petite dédicace, Petite Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix et tes petites Marie, t'as versé sur ma vie de milliers de roses. Voilà, c'est pour vous, Maria, c'était votre petit cadeau. Petit cadeau, Maria. Et là, on va écouter un extrait de son album live. Écoutez bien cette chanson qu'il a un petit peu réorchestrée pour l'occasion. Francis Cabrel, ensuite, on appelle la mairie, on leur dit aidez-nous parce que monsieur Yoganacha, Tiba Karan ne veut pas nous répondre. Non, non, remettez au début, là, on est un peu massacré. Remettez-moi, s'il vous plaît, Francis Cabrel. Et on a appelé Monsieur Tiba Karan. Je te demande où il est. Peut-être qu'il est à Cannes. Pas fort, pas fort. Changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Entrera blessée dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu cours. Tu crieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. Passera des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit, ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Et toi tu cherches et tu cours. Y a pas sans histoire, et tu rêves, tu rêves. Direct du mondial de l'auto. Maria, je le rappelle, vient quel verre, puisqu'elle nous a dit qu'il y a les odeurs nauséabondes et les débris carbonisés qui viennent du garage KST Auto Service où monsieur Yoganacha Tiba Karan, pour l'instant, ne nous répond plus. C'était sûrement lui. Hein, je crois, si on devait, sur une échelle de 10, le pourcentage, vous le mettez à combien, maître Felono? On va vous ouvrir le micro, maître Felono. 10. À 10. Moi, je l'ai reconnu. Bon, allez, nous allons demander à Bernard s'il a pu avoir la mairie qui s'occupe de ça, parce que là, la mairie, maintenant, elle doit intervenir. Bernard. Julien, vous m'entendez? Oui, oui, Bernard. Excusez-moi, pardon, mais j'étais en conversation avec la directrice des services généraux de la mairie qui ne souhaite pas parler à l'antenne, mais qui me donne des informations intéressantes. Monsieur le maire, donc Monsieur Perrault, donc a fait ce qu'il avait dit de faire. En l'occurrence, il a envoyé une équipe sur place et il a demandé à l'ARS de venir justement sur place et faire des prélèvements pour pouvoir donner des instructions très précises. Donc c'est en cours. Voilà l'information que j'ai de Monsieur le maire de Mandre. Oui, mais ceci étant dit, j'aimerais bien la voir, moi, le cabinet de, Monsieur. Elle est en ligne, mais elle ne soit pas. Elle ne veut pas parler, donc je vous la mets en ligne. Je ne sais pas si elle voudra parler. Madame, ne me parlez pas si vous ne souhaitez pas me parler. Je peux le comprendre. Simplement, madame, est-ce qu'on voudrait avoir maintenant un délai? Parce que pendant combien de temps... Ça fait combien de temps, Maria, que vous subissez ça? Depuis 2010. Depuis 2010, donc ça fait quand même un petit peu longtemps que ce monsieur s'est installé sans aucune autorisation, donc ça serait quand même cool qu'on fasse accélérer un peu le dossier. Donc ça serait bien que ce monsieur le maire nous parle, et en plus nous, on a alerté tout le monde le 3 juin. Donc voilà madame, si vous pouviez nous passer le cabinet du maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire est en entretien actuellement. Ok, bah, peut-être à la fin de l'entretien. Bon, ok, merci. Cette séquence vous était offerte par l'Exomil. L'Exomil, le médicament. C'est pour ma copine prendre la vie. Ce matin. Oui, elle a passé la nuit avec. Oui, c'est avec ça. Non, mais elle est impressionnée. Elle est très intimidée. Ouais, par mais vous, moi, Julien. Non, pas du tout. Puis j'aime bien les mecs. On va marquer une page, tu veux d'accord, bien, de pub. C'est super. C'est super, c'est top. Puis voilà. Si tu veux. Tu veux un peu de fromage de chèvre? Écoute, j'en ai. Bah, on va le goûter. Allez, à tout de suite sur RTL. Soyez cool dans la vie, les gars. Intersport. Joyeux anniversaire, amour. Ouh, ça c'est le VTT Nakamura série limitée cadran carbone Roomavic Crossride à moins 40% chez Intersport. Ah, bah non, c'est pas ça. Tu voulais pas un nouveau pyjama? Vous allez adorer l'anniversaire Intersport. Dès le 5 octobre, le VTT Nakamura Complete 700C est à 899,99€ au lieu de 1499,99€, soit 40% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Philorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Philorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-ride en pharmacie et chez Marionneau. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est râpé. Comment ça c'est râpé ? Je suis chez Lidl, et aujourd'hui et demain ils font sachet de 2 kilos de carottes à 99 centimes. Oh purée. Ah ça on peut le dire patron, et origine France, ça fait moins de 50 centimes le kilo quand même. Oh, tu vas arrêter, oui. Désolé, mais là pour nous, les carottes, ben... Oh, elles sont cuites, je sais, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 25-45, variété nantaise, 50 centimes le kilo, origine France. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. En ce moment, avec les affaires Bricoman, la peinture acrylique mate de marque Onip est à seulement 69,90€ les 15 litres. Offre limitée à 1716 pots à partir du 7 octobre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop. Voir conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez des prix imbattables comme le lit en métal Anna 140 cm à 69,99€ seulement. Ah, les records à bas de Confo. Qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Toujours avec le cas de Maria qui vit un calvaire, nous dit-elle, puisqu'un garage carrosserie s'est installé juste à côté de sa maison, des odeurs, des débris carbonisés, visiblement aucune autorisation. Alors on appelle tout à l'heure le garage KST Autoservice qu'on avait déjà appelé en juin, et c'est vrai que je dis bravo s'il nous écoute à monsieur Yoganaja Tiba Karad qui nous a dit ce n'est pas moi, et moi comme un crétin j'ai dit oui ce n'est pas vous, or c'était lui, et maintenant il répond plus. Mais en tout cas c'était son frère parce que la voix c'était vraiment identique. Bon, et nous sommes avec la mairie. Où en est-on, Bernard? Pourquoi la mairie? Parce qu'il faut vraiment qu'il bouge maintenant, ça fait des années que ça dure cette histoire. Où en est-on? Je me suis fait gronder, Julien, parce que cette dame là n'a pas le droit de parler, elle vous écoute mais elle ne répondra pas. Elle a juste dit, monsieur le maire est en rendez-vous. Elle n'a pas. Voilà. Et elle vient de raccrocher maintenant qu'elle vous a bien entendu. Elle vient de raccrocher à l'instant. Ce qu'elle vient de me dire juste avant, pendant la pub, c'est tout simplement qu'on a envoyé un mail à Maria lui disant qu'elle vienne voir où en est le dossier. Et donc, a priori, Maria n'aurait pas répondu. Dixit, cette dame-là. Mais je ne peux pas le prouver. Demandons à Maria. Vous avez reçu quelque chose, Maria? Non, du tout. Ça serait un mail. Oui. C'est ça, Bernard? Oui, exactement. Ça serait deux mails qui auraient été envoyés entre le 3 juin. Qui nous envoie la copie du mail? Vous êtes sûr que vous avez bien regardé votre boîte, boîte aux lettres? D'habitude, ils m'envoient des courriers, alors je ne vois pas pourquoi ils changent, là. Ils ont le droit de changer. À un moment donné, on peut tous changer. Est-ce que vous avez une boîte mail déjà? Oui, j'en ai une. D'accord. Et vous n'avez jamais vu un courrier de la mairie arriver? Non, du tout. Je l'aurais vu quand même. Allez, alors qu'est-ce qui va se passer exactement, Bernard? Il lui envoie quelqu'un, c'est non, ça? Non, moi je pense que le plus simple, c'est que Maria aille à la mairie de Mandre directement en disant voilà, je veux voir monsieur le maire, parce qu'a priori les services généraux ne peuvent pas me recevoir. Monsieur le maire. Ils ne peuvent pas recevoir les services généraux? Pour l'instant, elle a dit que le dossier est en cours, donc elle a fait le nécessaire. Allez, rappelez-moi le cabinet du maire là en direct, il s'il vous plaît. Il se paye ma tête, c'est pas vrai, il se paye ma tête. Voyez, Maria, où elle en est aujourd'hui? Maria, vous savez quoi? Vous êtes pas loin de Paris, je vous invite au Palais Royal en attendant que tout ça se remette en place et que vous puissiez voir le maire et régler vos affaires. Déjà marié, vous avez un premier cadeau, vous allez voir ce super spectacle de place que l'on va vous offrir. On va ça vous va vous détendre. Comment. Effectivement. C'est gentil. C'est un spectacle à base d'odeurs de débris carbonisés nauséabonds. Il n'y a pas que ça, hein, c'est qu'il n'y a pas d'écoulement nulle part et toutes les graisses, les cambouis, tout ça sont le long de mon mur, là. Maria, tout un petit peu de soleil, c'est une puanteur. Hein. Ah oui, à ce point, je ne comprends pas que la mairie ne bouge pas, Maître Filoneau. Il n'y a pas d'écoulement, il n'y a rien. Hein. Bon, mais écoutez, Maria, moi, la bonne nouvelle quand même que nous dit chaque fois ce garagiste, c'est que les affaires vont bien. Vous nous le confirmez, puisque vous trouvez que l'activité s'est considérablement accrue. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a la possibilité de déménager. Donc, ce qu'il faudrait voir maintenant avec les services de la mairie, c'est savoir si on pouvait trouver un emplacement pour ce monsieur dans une zone commerciale ou industrielle, c'est-à-dire prévue pour ce genre d'activité. Et ben voilà, donc il faut essayer d'œuvrer dans ce sens. Maria, on va essayer d'appeler la mairie. On me prépare le numéro, s'il vous plaît. Moi, je voudrais que Monsieur Perrault, le maire ou son directeur de cabinet intervienne et nous dise des choses. Sinon, ce que je vous propose, on peut le faire, c'est organiser une petite, pas manifestation, mais on fait souvent des goûters ou des apéritifs. Et on va en organiser un apéritif devant chez Monsieur Yoganaja Tibakaran. On invitera tous les gens de Mandre à venir. Peut-être que vous pourriez venir avec votre guitare et votre guitariste. Et on boira de l'huile de vidange. Et on boira beaucoup d'huile de vidange. Mais je vous assure, ça, on va se le faire un matin. Je vous promets qu'on va le faire si ça bouge pas. Oui, bonjour. J'ai lancé l'appel au niveau du cabinet du maire. On essaie de le joindre. Il n'est pas dans son bureau actuellement. Bon, vous me le faites la petite alerte dès que vous avez quelqu'un, d'accord? Okay. Allez, ça marche. Nous allons nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Et je rajoute en plus des deux places pour le spectacle de Christelle Chollet au Palais Royal. Un panier beauté d'une valeur de plus de 100 € qui est offert par les instituts Beauty Success. Alors vous, évidemment... Bravo. Évidemment, vous les femmes du studio, personne n'en a besoin. Maria non plus n'en a pas besoin, mais on peut quand même être quand on est belle. Oh, à peine, Maria. Hein. Maria, franchement, hein. Que vous êtes plutôt quoi, crème de jour ou crème de nuit? L'antiride. Ah, de l'antiride, très bien. Oui, une alerte déjà, que se passe-t-il? Julien, on a le cabinet numéro, enfin, il n'y a pas vraiment de cabinet numéro, mais une dame qui s'occupe de prendre les messages. Bon, bonjour madame, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, je ne vous dérange pas? Un instant. D'accord, merci. Belle intervention. On va se retrouver dans une seconde sur RTL. Décidément, entre la première dame... Vous me dérangez, elle a failli dire. Oui, vous me dérangez. Oui. Bon, non, allez-y, dites-moi quand même. A tout de suite sur RTL. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchés en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 23 octobre, découvrez les journées soins visage Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins, profitez d'un diagnostic personnalisé et de 7 jours d'essai offerts. Les journées soins visage vous attendent dans les 670 magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Yves Rocher. Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi cheval qui rit à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition, plus d'informations sur sncf.com. SNCF. On a 3 enfants. Et 5 petits-enfants. Mais comme on ne sera pas toujours là, on a vu notre notaire pour les mettre à l'abri du besoin. Et en pensant à leur avenir, ben, on s'est mis à penser à celui des autres. Alors, pour léguer à tous un monde meilleur, on a décidé de faire un legs à la Fondation de France. En faisant un legs à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. De retour sur l'antenne d'RTL en direct du mondial de l'auto. Vous avez vu, il y a un monsieur qui a aboyé dans le studio. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant les pubs, on discute un peu sur l'avenir de l'émission et de la planète. Et là, la pub se terminait et très gentiment, le technicien réalisateur qui est là nous a signifié qu'il fallait reprendre le micro en faisant putain la table. Et donc nous avons immédiatement, parce que voyez, quand c'est fait délicatement comme ça avec des petits mots gentils. Bon, où en est-on du côté de la mairie, s'il vous plaît, Bernard? Julien, malheureusement la mairie vient de raccrocher une nouvelle fois. J'adore ce maire, monsieur Perrault, il est en train de faire ses comptes. Je vous lance un défi, vous vous rappelez de cette chanson? Non, mais monsieur Perrault, alors elle est très bonne hein, pour les comptes, personne ne l'a compris, mais elle est très bonne. Excellent. Mais je ne lui en veux pas de pas nous parler, Bernard, parce qu'il n'attend pas notre appel, il n'est pas à notre disposition hein. Ouais. Juste, on veut qu'il nous dise à quel moment on peut l'appeler pour qu'il intervienne dans ce dossier où il ne se passerait. Oui. Mais c'est pas pour l'incriminer, en plus, c'est pour régler une situation, donc il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez du pom pom pero? Ça vous rappelle rien, ça? Porom pom pom pom pom pom pom pero pero. Allez, monsieur Perrault! Alerte. Regardez, retournez-vous, Christelle. C'est Monsieur Perrault. Hervé Pouchol vient d'arriver sur le stand RTL sur une sorte. Alors, prenez votre micro, expliquez-nous. Vous savez, ça s'appelait des Segway, mais c'était une marque. C'est magnifique ce que vous avez. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est génial, ça. Hein. Alors ça s'appelle. C'est ce monsieur qui fabrique. Attendez, il faut que je descende parce que en fait, ça s'appelle un Status. C'est quoi exactement? La marque s'appelle Status et vous venez d'essayer un gyropode. En fait, c'est un système gyroscopique qui vous permet de maintenir votre équilibre uniquement avec la pression de vos pieds. Et en maintenant votre centre de gravité au milieu de l'appareil. Et comme j'ai fait beaucoup de danse, j'ai un très bon équilibre. Non, mais c'est pour ça que je suis arrivé. Ça c'est un peu l'avenir dans les centres urbains. C'est pour une première, bravo. Voilà, c'est ces trucs à deux roues. Vous savez, vous êtes debout, vous avez. On voit des touristes qui se promènent dans Paris. Oui, les visites se font souvent comme ça. Merci Hervé. 5000 euros. Ah bah oui, là déjà. Celui-là. Ouais, très c'est bien. La version luxe. Hein. Allez, on va s'écouter maintenant, si vous le voulez bien, le nouveau Julien Clerc. Et ensuite, je vous donnerai des nouvelles de cette dame. L'histoire est hallucinante, vous allez voir. Parce qu'en plus, je trouve qu'en période d'élection, elle est remarquable à raconter cette histoire. Une dame, Christelle, qui a plus de boulot. Donc, elle a besoin, elle veut bosser. Donc, elle va à l'NPE, au Pôle emploi, où on lui propose une formation. Elle fait cette formation, mais cette formation, on doit lui donner des sous pour qu'elle la fasse, pour qu'elle puisse se loger, puisque c'est à 500 km de chez elle. Elle part faire la formation. À l'issue de la formation, elle a un CDI. Donc tout va bien, c'est génial. Oui. Sauf qu'à un moment donné, elle est obligée d'arrêter la formation parce que le Pôle emploi ne lui envoie pas les sous. Et comme elle n'a pas un centime pour se loger et tout, elle tape dans le peu qu'elle a. Et puis à un moment donné, elle n'a plus rien. Elle appelle Pôle emploi et ils lui disent « Bah oui, il y a du retard, on ne peut pas vous payer. » Donc, n'ayant plus à manger, n'ayant plus à se loger, elle va voir le patron qui l'apprenait, qui lui dit « Moi, je peux attendre une semaine, puis deux semaines, puis trois semaines. » À un moment donné, lui dit « Moi, je suis désolé, je suis obligé d'embaucher quelqu'un d'autre. Oh, » Donc, la formation qui débouchait sur un CDI n'a servi à rien. Là, maintenant, elle est dans un centre, en plus de sans domicile fixe, je crois. Oui. Elle a dû retourner chez elle. Et aujourd'hui, parce que l'argent n'a pas été... Il y a eu une erreur et on demande des comptes à Pôle emploi. Il y a eu du retard de plusieurs mois pour... Comment faites-vous? À quoi ça sert? Sinon, ça ne sert à rien. Voyez. Ils ont déjà répondu ou... Ah ben non, là, on va avoir justement un responsable après avoir écouté Julien Clerc avec ce nouveau titre que voici sur RTL en direct du Mondial de l'Auto. Entre elle et moi, c'est un peu de temps. Un petit différentiel qui nous tient, et c'est très bien. Entre elle et moi, il y a des printemps, quelques années qui ruissellent. Entre elle et moi, c'est comme ça. Regardez bien sur la photo, les bras semblent encore si chauds. De leurs étreintes. Regardez bien là dans mes yeux, cette petite flamme, c'est un peu d'elle que j'emprunte. Entre elle et moi, ce n'est pas le vide. Il y a dans nos distances des ponts et des traversées. Sépare nos rives, vit une éternelle enfance, indocile et raisonnée. Regardez bien sur la photo, regardez bien entre elle et moi. Cette petite flamme ne sera jamais éteinte. Elle le sait bien. Hello, nous Julien Clerc. Ouais, t'as beau la voix chevrotante comme ça de temps en temps. Faites bien Julien Clerc, Julien attends, Courbet. Je fais bien la chèvre, je ne fais pas bien Julien Clerc. Il a une belle voix, hein, vous l'aimez beaucoup, Julien Clerc. Oui, j'adore. Je le sais. Vous, Maître de Comment, c'est moins votre tasse de thé, Julien Clerc. Vous êtes plus les Beatles. Beyoncé, il est plus Maître de Comment. Très Beyoncé. Ah, oui. C'est vrai. C'est qui Beyoncé, ouais, voilà. Exactement, vous avez bien fait de lui poser la question. On fait un petit point info sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. La première info, c'est Hervé Pouchol qui a pris un escalator, qui l'a éloigné de la porte d'entrée, mais il se trouve que cet escalator le ramenait à la porte d'entrée, donc il a fait un tour complet du salon, ce qui n'a servi strictement à rien. Ça, c'est la première info. Et la il deuxième... est revenu en deux roues. Ah, il est revenu en plus en deux roues. Voilà. Le voilà qui est là. Et il se balade là dans les stands. Ça arrive un peu, là, le public, hein, mon petit Hervé. Ah, oui, ça arrive. Mais c'était très impressionnant à l'entrée tout à l'heure, à 10h. J'ai jamais vu autant de monde et j'ai jamais vu autant de voitures. Et je rappelle qu'il fait à peu près 30 à 32 degrés dans le salon et il est en parka pour les hauts sommets des Alpes. Gaëtan nous a dit ceci. J'ai acheté un véhicule à un vendeur professionnel. Je me suis aperçu que le kilométrage a été trafiqué. Et pas qu'un peu. Il y a 70 000 km de différence. Gaëtan est très mal puisque on nous a confirmé un voisin que le garage Pinchon qui se trouve à Marconne 62-140 malheureusement semble ne plus exister, mais Maître de Comont nous a dit ce que devait faire maintenant Gaëtan, c'est-à-dire peut-être se tourner vers une voie pénale. Je suis vraiment navré, j'aurais aimé l'aider, mais si quelqu'un a des nouvelles de Monsieur Pinchon, qui peut être d'ailleurs rattrapé sur ses biens personnels, on le rappelle. Oui, effectivement, s'il y a une condamnation, puisqu'il exerce en nom personnel. Maria, c'est cette dame qui nous a dit déjà au mois de juin, j'en ai marre, puisque quelqu'un comme ça est venu s'installer sans autorisation, dit-elle, un carrossier à côté de chez moi, et du coup, c'est... Alors, elle nous a parlé de problèmes d'odeur, puisqu'il y a des débris carbonisés qui sont éjectés, de la peinture qui coule. Nous avons appelé le garage KST Auto Service à Mandre où nous sommes tombés sur monsieur Yoganaja Tibakaran qui nous a dit je ne suis pas Yobanaja Tibakaran. Je lui ai dit alors quand est-ce qu'il sera là monsieur Yobanaja Tibakaran? Il m'a dit dans 10 minutes. 10 minutes après j'ai rappelé monsieur Yobanaja Tibakaran. C'est lui peut-être, non, peut-être. Alerte sur quoi? Julien, c'est la directrice générale de la mairie justement de Mandre qui souhaite vous parler. Merci, est-ce que je peux la prendre dans une minute? Gardez-la à l'antenne. Dans une minute nous aurons la mairie justement sur ce point. C'est génial, à tout de suite. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, encore 3 semaines. Jusqu'à demain, le dos de cabillaud est à seulement 10,90€ le kilo. Oui, 10,90€ le kilo. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel, pêchez en Atlantique Nord-Est. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boot tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20€ de réduction tous les 50€ d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Hiver, chaud. Hémisphère sud. Radiateur fonte. Chauffage performant. Inertie sèche. Prix doux. 89€. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Le radiateur 1000 watts avec double cœur de chauffe pour une diffusion optimale de la chaleur est à seulement 89€, éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 7 octobre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Carrefour. Franck, tu sais que la foire au vin continue chez Carrefour ? Oui, d'ailleurs, j'ai repéré une bouteille de Haut-Médoc Rouge Château Miquelon 2012. Ah oui, une belle robe grenat, des notes de fruits rouges. Et pour une bouteille achetée, la deuxième est gratuite. Sans parler de la sélection de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Ah bah si, parlons-en. En ce moment, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de Haut-Médoc Rouge Château Miquelon 2012 achetée à 9,90€, la deuxième est gratuite, soit 4,45€ la bouteille. 55 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, avançons avec la mairie, si vous le voulez bien. Qui est en ligne, s'il vous plaît, Bernard, en direct sur RTL ? Une des responsables de la mairie qui travaille avec monsieur le maire, monsieur Perrault, qui est en ligne, Julien. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL, j'apprécie beaucoup. Vous avez bien compris que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est aider Maria qui vit maintenant depuis plusieurs années un vrai calvaire à côté d'un monsieur qui se serait installé sans autorisation, peinture, débris carbonisés, odeur nauséabonde, huile. Comment peut-on avancer madame ? La mairie a, sur ce dossier, a depuis longtemps sollicité des organismes pour afin qu'ils viennent faire des prélèvements et des analyses. Mais ils ne sont pas venus alors ? Si, ça, si, mais malheureusement les conclusions n'aboutissaient pas à des nuisances telles que l'annoncer. Est-ce que quelqu'un de la mairie s'est déplacé, madame ? Bien évidemment, bien sûr. Alors, vous n'avez rien constaté ? C'est pas ça, c'est qu'il ne ressort pas de... Comment vous dire ? Nous ne sommes pas des techniciens de laboratoire, donc même si ça fait partie des prérogatives du maire, des pouvoirs de police, oui. Le maire ne peut pas juste en se déplaçant dire « Ah bah oui, il y a une nuisance... » Alors, je vais reprendre depuis le début. Si oui. Demain, je veux installer une carrosserie, garage avec de l'huile et tout ça, est-ce que je peux me mettre n'importe où ? Ou est-ce que je dois demander une autorisation à quelqu'un ? Alors, le plan local d'urbanisme prévoit qu'il est possible d'avoir une activité professionnelle dès lors qu'elle ne provoque pas de nuisances. D'accord. Toutefois, ces nuisances doivent être constatées par des organismes extérieurs. C'est pas le maire tout seul qui peut... Donc, aujourd'hui, la conclusion, c'est quoi ? C'est qu'elle a que ses yeux pour pleurer, cette dame ? Pas du tout. Donc là, cette fois, nous avons de nouveau réactivé auprès de l'Agence régionale de santé, auprès du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, auprès du siège des demandes pour qu'ils fassent de nouveau des analyses et cette fois inopinées auprès de cette entreprise. Ah oui, parce que on le prévenait avant, d'accord, quand on venait, c'est ça ? C'est vrai. Ouais, d'accord, ok, compris. Bon, voilà. Vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps, ça, madame ? Là, on n'a pas la main sur les délais pour ces administrations-là. D'ici une quinzaine de jours. Effectivement, mais en tout cas, au niveau des services de la mairie, tout a été fait, tout a été mis en œuvre. Bon, mais madame, peut-être pouvez-vous nous donner en antenne la liste de ces gens-là, qu'on puisse peut-être les appeler pour qu'ils viennent voir un petit peu plus rapidement. Ça serait tout super sympa. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Rapidement, maître Ferrero. Oui, effectivement. Écoutez, ce monsieur, visiblement, fait des vidanges. Il utilise de l'huile. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on n'avait pas le droit de le faire dans son propre jardin. Qu'il fallait aller dans des centres particuliers. Si, comme nous le dit Maria, mais c'est évidemment à vérifier. Vous savez quoi, on va y aller, nous. Voilà. Qu'on ou Maria nous raconte des bobards, parce que moi, il faut parler franchement. Ou à ce moment-là, effectivement, il n'a pas les installations adéquates. Et à ce moment-là, c'est facile de sanctionner. Alors, déjà, nous, on va y aller. Je vous dis pas quand, mais on va organiser ça dans le mois qui vient. On va aller constater par nous-mêmes si ça. Vous vouliez dire, Christelle ? Non, je dis, moi, j'ai acheté un garage pour en faire ma maison. Et j'ai été obligée de dépolluer mon jardin parce qu'il y avait des huiles de vidange qui étaient dans le jardin. Donc, de toute façon, c'est très dangereux et il faut absolument faire quelque chose. Maintenant, vous avez un autre problème, c'est que les voisins se plaignent parce qu'ils disent que ça sentait mieux avant quand il y avait des odeurs d'huile et de graisse que maintenant que la famille Chollet s'est installée. Rapport à la voiture poubelle, c'est ça ? Bon, Maria, on va tout faire, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, on va se battre, on va venir chez vous, si vous le voulez bien, constater ça et aller tendre le micro à monsieur Yokanajati Baka. Voilà, Maria. On va vous prendre votre nom également pour que vous puissiez aller au spectacle avec votre mari, voir Christelle Chollet, au Palais Royal. Une alerte, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ? Oui, Julien, c'est le garage KST Autoservice avec Marie. Je vous le passe directement. S'il vous plaît. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Yoganajati Bakaran ? Non, déjà, vous vous trompez sur mon prénom. Ah mince, ça, comment on dit ? C'est Yoga Raja. Ah, Yoga Raja, comme un garage. Yes. Pardon, j'ai mis un N. Bon, comment on peut avancer, monsieur ? De toute façon, d'ailleurs, j'étais en train de vous écouter parce que j'étais sur la route. C'est gentil. Mon frangin, il m'a appelé. Ouais. Il m'a dit que vous avez appelé. Donc, j'ai mis RTL, j'ai écouté toutes vos... Conneries ? Bon, allons-y, parlons-nous entre amis. J'ai vu que, voilà. J'ai vu qu'il y a les votes sur 10, là, comme quoi c'était monsieur le gérant. Et je croyais que c'était lui. Et en fait, c'était pas lui, c'était vous. C'était son frère. C'était votre frère. Voilà. Ah ben, je me suis trompé. Madame qui se trompe, voilà, vous écoutez une personne parce qu'elle est au téléphone. Oui, oui, oui. Vous écoutez, voilà, on peut se tromper. C'est, eh ben, tout à fait. Mais je reconnais. Comment on peut avancer, monsieur, pour cette dame? Écoutez, moi, j'ai travail. J'ai pas trop le temps de parler. Vous êtes en retard, je suis arrivé en retard. Donc, déjà, on va faire les... Moi, je vous dis tout simplement ce qui va se passer. C'est que moi, j'ai le propriétaire. J'ai acheté un fonds de commerce. Donc, voilà, j'ai payé de l'argent, etc. Maintenant, si... Moi, je veux partir parce que je veux m'agrandir. Mais je partirai pas du jour au lendemain. Et de deux, si je pars, c'est que là, ici, j'ai payé. Là, la valeur de mon garage, il vaut 100 000 euros. Oui, vous voulez le revendre au bon au même prix. Ou alors, voilà, d'accord. Non, il vaut 100 000 euros aujourd'hui. Ah, quand même. Moi, voilà, soit je veux pas partir comme ça. Je suis oui, pas oui, vous voulez pas perdre d'argent, vous voulez faire. Bon, exactement. Ok. Donc, bon, voilà, de toute façon. Je sais pas si. Monsieur, de toute façon, nous, on n'en est pas encore là. Monsieur, ce qu'on veut juste savoir, c'est s'il y a de la pollution ou pas. S'il y en a pas, après, c'est autre chose. C'est ça qu'on veut vérifier. Quelque chose. Hier, j'ai eu un contrôle de. Oui. Tout ce qui est huile, usagé, etc. Elle est venue, elle est passée. C'est seulement hier qu'elle a fait le point. Donc, d'accord. Je pense ils sont passés hier. Okay. Elle m'a dit que tout était clean. Elle a pris des photos, etc. Donc voilà. Bon, moi je vous embête pas plus longtemps. On va vérifier tout ça, puis on se reparle après. Merci beaucoup, monsieur. Et surtout une chose. Oui. Vous ne moquez pas des gens. Parce que là, j'ai écouté, j'ai suivi ce qui se passe. Ne vous moquez pas des gens. C'est pas bien. Oh, écoutez, je me moque de moi, je me moque de tout, j'essaie d'amener un peu de légèreté, monsieur. Ah, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous faites de l'audience, la dernière fois, je vais vous dire une chose, à 11h pile, ça a coupé. Ça a coupé, ça m'a coupé au nez, j'ai attendu tout ce temps, j'étais au standard, j'attendais, à 11h pile, ça a coupé. Je vois pas, vous voulez juste faire de l'audience, c'est tout. D'accord, je ne veux que ça, monsieur. Je me lève le matin, je me dis, il faut que je fasse de l'audience. Toujours. Bah écoutez, pourquoi à 11h ça a coupé? Ça ne m'a pas rappelé, ça me rappelle aujourd'hui. Monsieur, vous savez que vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez être en retard. J'ai pas compris. Vous m'aviez dit tout à l'heure, je vais être en retard, je ne vais pas pouvoir parler. Oui, mais parce que là... Vous avez un peu de temps, finalement. Je préfère dégager tout ce que j'ai à dire. Ah bah, là, dégagez tout. Mais c'est juste que voilà, 11h, le jour, on m'a coupé. Là, on prend sur mon point... Tout ça, donc c'est pas bien. Donc voilà, je vous laisse faire le travail. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Maintenant, je parle de l'argent. Eh bien, on vous a écouté, monsieur. Allez, on va avancer. Merci, monsieur, en tout cas, d'avoir parlé. Vous avez entièrement raison et vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur l'antenne d'RTL. Voilà, sachez que voilà, on n'a pas à se cacher. Y a non, pas on ne se cache pas. Allez, là, maintenant. Celui qui a répondu, il n'était pas gérant. Ça marche. C'est la vérité, d'accord? Voilà, ça marche, monsieur. On avance avec la mairie, avec tout le reste. Ok, très bonne, bonne journée. Bien, alors, en urgence, dans une seconde, on va voir cette histoire de Pôle emploi. Mais c'était son frère, voilà. Tant pis pour nous, il nous a bien mouché, il a bien eu raison, mais j'étais persuadé que c'était lui. C'était son frère qui avait après raccroché. C'est un maître de comment, vous n'aviez pas senti que c'était son frère. Et c'est pourtant ce que j'attends de vous dans l'émission. Mais si ce n'est lui, c'est donc son frère. Ah, mais voilà, ça devait être ça. Allez, on se retrouve dans une seconde sur RTL. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez de prix imbattables comme le lave-linge phare 6 kg à 199,99€ seulement. Alors, qui fait mieux que les records à battre? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. 3 000 €? C'est moins. 2 000 €? Moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1 690 €. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Leclerc. En ce moment, chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles acheté, un pack offert. C'est pas bon, ça? C'est super, tu veux dire? Eh oui, en ce moment, le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est chez Leclerc. Du 4 au 8 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat d'un pack de lessive d'âge 2 en 1 perles, 30 lavages variétés au choix, le deuxième est offert. Voir conditions dans les magasins participants, produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Attention, le TGV magique va partir. Pensez à étiqueter votre balai et à museler votre dragon. Jusqu'au 10 octobre, laissez-vous ensorceler par les offres magiques SNCF. Toutes les cartes de réduction, enfants plus, jeunes, week-end et seniors plus, sont à moins 50%. Et pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des surprises abracadabrantes dans les TGV. Offre soumise à condition, plus d'informations sur sncf.com. SNCF. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture soutenu par Easy Pack à partir de 189 € par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant, voire Renault.fr. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... T'as l'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, le rôti de bœuf 2 étoiles origine France est à 7,49€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine rôtie, 1 kilo environ. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Equation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluses. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons passer donc au cas maintenant, Pôle emploi. Qui est en ligne, s'il vous plaît, Bernard ou Marie ? Alors, c'est Marie. Et pour faire un petit point, donc, Julien, sur le cas de Laurence. Et puis, on aura aussi le directeur de Pôle emploi Occitanie qui prendra l'antenne. Alors, je rappelle que Laurence, hein, je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure, je ne vous la raconte pas, parce que le Pôle emploi aurait eu un retard de paiement, s'est retrouvé sans finir sa formation, a loupé le CDI qu'on lui proposait, n'a plus d'argent maintenant, et on lui proposerait maintenant une autre formation qu'il va falloir repayer, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, tout ça... C'est les données brutes que nous avons et nous avons en ligne. Marie, vous avez fait un point. Monsieur Lemaitre, directeur Pôle emploi Occitanie, c'est ça ? Alors oui, juste pour faire le point rapidement, Julien, sachez que cet après-midi à 14h, Laurence a rendez-vous avec la médiatrice régionale Pôle emploi pour trouver une aide financière. Car il y avait trois points, c'était lui trouver un logement, lui trouver une formation et lui forcément parler des indemnités. Et on a donc le directeur de Pôle emploi, Monsieur Serge Lemaitre, qui est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Lemaitre, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour Monsieur Courbet. Alors Monsieur, déjà, pour premier point, on n'a plus énormément de temps, mais premier point, on est d'accord, est-ce qu'elle se trompe quand elle nous dit qu'il y a eu un retard de paiement du Pôle emploi ? Effectivement, sur les 4 400 € qu'on devait lui verser sur le mois et demi de formation et de reprise d'emploi, il y a 660 € qui ont été versés avec un retard, oui. D'accord, donc ça fait quand même une grosse somme, donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu avoir cette formation, qu'elle n'a pas pu avoir le CDI. Non, elle a eu sa formation, elle est allée au bout de sa formation, oui. Elle est rentrée et elle a pris son emploi. Et c'est au bout de 3 semaines après sa reprise d'emploi qu'elle a arrêté cet emploi. Mais alors, dans ces cas-là, le Pôle emploi n'y est pour rien dans cette histoire. Tel que vous me dites là, il n'y a aucun problème pour elle. Laurence, vous êtes oui, en ligne ? Bonjour, oui, bonjour. Ce monsieur nous dit qu'en fait vous avez commencé l'emploi et que vous l'avez arrêté au bout de quelques temps. Non, c'est pas moi qui l'ai arrêté. Mon employeur m'a licencié parce que je ne pouvais plus me loger. Ah oui, c'est ça, parce que... Pardon, ces 660 € entre autres m'ont manqué pour pouvoir continuer à me loger sur le mois d'avril en attendant mon premier bulletin de salaire. C'est ça, c'est qu'elle n'a pas pu attendre le premier bulletin de salaire comme elle n'avait plus un centime, ce qui est souvent le cas des gens qui sont au Pôle emploi et que l'argent n'est pas arrivé. Malheureusement, elle n'a pas pu avancer. Alors aujourd'hui, quelle est la solution pour elle, monsieur ? Alors aujourd'hui, il y a d'une part, depuis qu'elle est inscrite, elle s'est réinscrite le 22 avril, elle a rencontré plusieurs fois son conseiller avec des propositions d'offres d'emploi. Donc il y en a une d'ailleurs qui était sur le point d'aboutir, d'assistante en communication sur Montpellier. L'employeur a différé sa réponse. Et effectivement, comme vous l'avez dit en début d'émission, elle a un stage d'infographiste qui démarre le 7 novembre. Et une petite précision, c'est un stage qui lui aussi est gratuit et rémunéré. Hein. Il n'est pas payant. C'est Pôle emploi qui le prend en charge. Donc ça, c'est le 7 novembre. Bon, Laurence, est-ce que tout ceci vous convient ? Pour l'instant, oui. Maintenant, c'est le préjudice financier, moi, qui me pose problème. C'est-à-dire que cette formation, je la commence le 7 novembre. Là, moi, j'ai été hébergée d'urgence par une amie qui m'a trouvé un plan, et bon, merci à elle, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'en novembre, je vais me retrouver à nouveau avec un problème de logement, et tout est décalé. Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Alors, le service presse m'a informé qu'ils sont en négociation avec une association pour trouver un logement d'urgence à Laurence. Mais d'après le service presse et de ce qu'on nous a raconté, c'est quand même, normalement, Monsieur Lemaitre, vous allez revoir au niveau des indemnités. Il y a vraiment eu un souci de la part de Pôle emploi. C'est ce qui nous a été dit. Je le répète, il y a eu effectivement un décalage de 660 € sur les 4 400 € qu'on en a payé. Cet après-midi, elle rencontre la médiatrice, Madame Mathieu, que j'ai eue au téléphone hier. Elle rencontre la médiatrice pour évoquer ces sujets-là. Voilà. D'accord. Bon, on va faire le point, Laurent, si vous le voulez bien, demain. Rencontrer cette personne. Ce monsieur prend le dossier, il va essayer de vous trouver un boulot, on essaie de vous trouver un logement. Et vous allez pouvoir discuter avec lui en antenne par rapport à l'indemnité que vous voulez. On est d'accord ? On est d'accord. Et vous me tenez au courant. Bien, merci beaucoup en tout cas monsieur d'être passé sur l'antenne d'RTL. Merci Marie, merci Laurence, on fait un point lundi là-dessus. Ce qui est juste un peu couillon, c'est qu'on aura payé pour une première formation et finalement on va repayer pour une deuxième formation. Voilà, ça fait un peu... L'argent est parti par la fenêtre, Maître Félonneau, oui, c'est votre impression. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'argent qui est bien investi, c'est quand on se paye une bonne place de spectacle et qu'on a un vrai bon spectacle. Et le spectacle de la rentrée, et je le dis, je ne vous envoie jamais dans des arnaques, mesdames et messieurs, c'est au Palais Royal. Allez voir un spectacle comme vous n'en avez jamais vu, où ça chante, où ça vanne, il y a des musiciens, vous allez voir derrière, il y a tout un système d'écran qui est juste incroyable. C'est du délire absolu, c'est au Palais Royal et c'est Christelle Chollet qui est là. C'est le spectacle, allez voir, et je m'adresse à tous nos amis de province qui montent d'ailleurs souvent le week-end. Allez, ne vous trompez pas, c'est celui-là qu'il faut aller merci le voir. Julien, merci Julien, merci. Non mais c'est beaucoup. Vrai, c'est la vérité, on l'a tous vu, hein, le guitariste est là et c'est lui. Et avec lui qu'on va envoyer la pub, qu'est-ce que vous voulez nous chanter? Tiens, il y en a une que j'adore, parce qu'il y a des pubs, on peut le dire, hein, voilà, on va pas en dire plus, mais des fois il y a des pubs un peu spéciales dans le spectacle et c'est l'heure de la Miricorée. Attention, car le soleil vient de se lever. Le soleil vient de se lever, Julien. Oh. Encore une belle journée à régler des affaires, mais il va bientôt arriver. Qui ça? La Miricorée. Il vient toujours au bon moment avec le pain et les croissants. Merci à ceux qui sont venus là, parce que c'est juste l'ouverture du mondial. On a quelques personnes Hervé qui arrivent. Hervé Pouchol est là. Et on a Hervé Pouchol qu'on va remercier aussi. Hein. Oui, je viens de faire un test. Vous savez que vous pouvez démarrer une voiture simplement en vous mettant des capteurs sur la tête et bah, avec la pensée, vous pouvez faire démarrer la voiture. Le problème, c'est que ça n'a pas marché avec moi, mais normalement. Mais... Alors, c'est-à-dire qu'on vous met des capteurs et vous pouvez, en vous concentrant, démarrer la voiture. C'est-à-dire et si moi, vous les capteurs étaient peut-être pas bien placés. Démarrer la voiture dans votre tête, voilà. Elle démarre. Et voilà. Sauf qu'il faut penser à faire démarrer la voiture, Hervé. Il faut pas penser à autre chose. Le problème, c'est qu'Hervé, il a mis les capteurs, il a pensé. Et alors, sont arrivés deux nanas à poil, des films, un livreur de films pornographiques. Oh. Bon, très bien. Merci beaucoup, Hervé Pouchol. Voilà, on était au Mondial de l'Auto. À tout de suite. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie d'une viande fondante, goûteuse, avec du caractère. Du vrai faux filet, Michel. Voilà ce qu'il vous faut. Jusqu'à demain chez Carrefour Market, la barquette de faux filet 3 étoiles origine France est à seulement 9,90€ le kilo. Ça tombe à point. Saignante, c'est pas mal non plus. Ah, vous mettez l'eau à la bouche. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine faux filet 3 étoiles à griller. La barquette de 5 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Philippe, ce n'est pas le premier venu. Il dégage une chaleur de vivre, m'offre des soirées au coin du feu. Et lorsqu'il m'a invité au rendez-vous des affaires, j'ai complètement flambé. Rendez-vous des affaires Cheminée Philippe jusqu'au 17 octobre. Cheminée, poêle à bois et à granulés. La qualité, les meilleurs prix. Cheminée Philippe, adressez-vous aux spécialistes, pas au premier venu. Magasin participant sur cheminée-philippe.com. Leclerc. Belle maman, c'est la foire au vin Leclerc. Regardez, un AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 à 8,30€ la bouteille. Mais non. Et si, c'est l'un des 35 incroyables sélectionnés par un jury d'experts, dont le meilleur sommelier du monde 2007. Des vins qui ont l'étoffe des plus grands, mais au meilleur prix. C'est parce que Leclerc sélectionne pour vous les meilleurs vins au meilleur prix qu'à partir du 27 septembre, la bouteille AOC Saint-Georges Saint-Émilion Château-Bertin Cuvée Prestige 2014 de 75 centilitres est à 8,30€. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que le créateur de la foire au vin, c'est Leclerc. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Lundi matin à 9h30, nous serons en direct. Il y aura une opération spéciale avec nos amis de 30 millions d'amis. On va mettre des petits toutous à l'adoption, donc on vous en parlera. Chacun aura son toutou, vous aurez le vôtre. Vous avez des animaux, Christelle? Oui, j'ai une tortue. Et un Rémi Cachet également, un metteur en scène que l'on salue. Il n'arrête pas de vous envoyer des photos de ma voiture sale. Il m'a envoyé, des photos de la voiture électrique de Christelle Chollet. Effectivement, c'est un concept de poubelle roulante, il a bien raison. Merci d'avoir été avec nous, c'était un grand honneur. Stéphane Bern, merci à Raph aussi, votre guitariste. Stéphane Bern sera là dans quelques instants. On se retrouve lundi, passez un bon week-end. Vous avez choisi RTL. Il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec vous Anne Le Hénaffre, bonjour. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Les familles et les rescapés de l'attentat du 13 novembre au Bataclan sont en ce moment reçus dans la salle de concert parisienne, salle qui a été rénovée et qui doit rouvrir le 16 novembre prochain avec un concert de Pete Doherty. Les attentats du Bataclan et des terrasses alentours avaient fait au total 130 morts et près de 500 blessés. Une mère et son enfant sont morts pendant l'accouchement à Decazeville dans l'Aveyron, dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne l'apprend que ce matin. Une inspection de la maternité est en cours. Le rapport est attendu dans quelques jours. D'ici là, les femmes qui ont prévu d'accoucher à Decazeville sont réorientées vers d'autres hôpitaux. L'autorisation d'activité de la maternité de Decazeville venait d'être renouvelée pour 5 ans au mois de mai dernier. Jean-Claude Juncker inquiet, le président de la Commission européenne promet d'être intransigeant face à ce qu'il appelle des manœuvres britanniques en vue du Brexit. Les négociations du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Europe doivent s'engager fin mars. Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravée et réintégré à iTélé. Ce sera dans une dizaine de jours. Il présentera une émission sur les médias. C'est ce qu'annonce la chaîne dans un communiqué laconique. L'animateur de 51 ans est soupçonné d'avoir poussé des jeunes hommes à s'exhiber lors de casting pour une web-série. La question du jour de RTL Midi, faut-il autoriser les statistiques ethniques? C'est ce que propose François Fillon, candidat à la primaire de la droite, pour fixer des quotas d'immigration par pays. Ces statistiques ethniques sont pour l'instant interdites en France. Vous pouvez voter sur rtl.fr. La réponse dans RTL Midi à midi et demi. Rugby, le Racing 92 se défend. Ses trois joueurs, Rokosoko, Carter et Imhoff, avaient bien le droit de prendre des corticoïdes avant la finale du championnat de France, remportée par le Racing sur Toulon en juin dernier. Les joueurs avaient des pathologies avérées. Les règles antidopage ont été respectées, assure le club dans un communiqué. Le temps pour cet après-midi, un temps frais et très nuageux, des côtes de la Manche au nord-est avec de nombreux nuages bas, un ciel voilé sur l'ouest, un voile nuageux de plus en plus dense, le temps restera très ensoleillé, des Alpes à la Méditerranée et près des Pyrénées, les températures pour cet après-midi seront comprises de entre 15 et 24 degrés, 15 degrés à Brest et à Nancy, 16 degrés à Lille, 17 à Paris, 18 à Lyon, 22 à Nîmes et 24 degrés le maximum à Toulouse. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur viessmann.fr. Et on l'apprend à l'instant, le prix Nobel de la paix vient d'être attribué au président colombien Santos pour ses efforts de paix dans le pays. 376 candidats étaient en lice pour ce très prestigieux prix Nobel de la paix qui vient donc d'être attribué à Oslo en Norvège, au président colombien Santos. On en reparlera bien évidemment dans le journal de la mi-journée sur RTL. Les courses aujourd'hui à Vincennes en nocturne. Je vous rappelle les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 7, 14, 15, 10, 12, 13, 11 et 8. La dernière minute de Bernard, c'est le 13, Varus du Bocage. 11h03 sur RTL. Très bonne matinée à tous. On retrouve Stéphane Bern à la bonne heure. Merci beaucoup Anne Le Hénaffre. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, mais nous nous plongeons dans à la bonne heure. Eh oui, à la bonne heure, avec trois invités, pas un, pas deux, non trois. Nous avons, je pouvais pas inviter Lambert Wilson et Pierre Ninet sans inviter le réalisateur de l'Odyssée. C'est Jérôme Salles également. Les trois sont avec nous. Alors, voilà, c'est l'événement quand même, là, ce film. Eh bien, à propos de l'Odyssée, je vous présente d'abord un petit camarade. Hein. On va parler beaucoup d'animaux, et d'animaux marins, évidemment. Et Marc Giraud, notre spécialiste de la chose animale, nous intéressera à un animal qui n'a pas très bonne presse, il faut bien le dire, le squale. Oui, c'était quand même le symbole de Cousteau, dont la boîte s'appelait les requins associés. Donc on va partir à sa protection. Mais vous savez qu'il tue moins de monde que l'escargot, hein, depuis que j'ai appris ça. Ah oui, un escargot d'eau douce, et moins de monde que les selfies, beaucoup moins de monde que les chiens. Donc voilà, c'est pas bien, c'est 10 morts par an, on va pas chipoter c'est non plus. Hein. Surfeurs, on va pas non plus. Le selfie avec le squale, ça se passe pas bien, ce qui parle. Mais eux, ils savent, c'est les touristes, c'est les touristes. Qui vont oui, ils respectent pas les règles. Ils respectent pas les règles. Les réunionnais connaissent les règles. Alors, juste après le journal de midi, comme chaque vendredi, le feuilleton de Régis Maillot. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez, Stéphane, qu'aujourd'hui sera question de littérature et de vous, évidemment, hein, dans ce feuilleton. Et on aura un invité spécial, une certaine Mireille Mathieu. Ah oui. Donc, il va falloir que vous participiez. Hein, ah parce oui, il faut que je